Cours numéro 8. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. On continue l'étude de cette risala al-wasitiyya avec l'explication de l'allama al-shaykh Sa'di rahmatullah alayhi. Wa fil darsi al-akhir أخذنا ما يتعلق بصفة العلم وأما اليوم فبإذن الله عز وجل on continue l'étude des versets que l'auteur il a cité رحمة الله عليه في الصفات فقال رحمه الله وقوله عز وجل إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى et on répète هنا أن on lit من شرح الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى لأن الشيخ سعدي رحمه الله il a pas expliqué tous les versets. À la fin il a fait un résumé. فمن المناسب c'est qu'on lise ensemble l'explication d'un savant pour chaque verset et l'explication de Al-Allama Cheikh Al-Fawzan, Hafidhahullah, c'est une des plus simples. Falihada, on a choisi de lire cette partie du Shurah. قال وقوله تعالى إن الله هو الرزاق أي لا رازق غيره الذي يرزق مخلوقاته ويقوم بما يصلحهم. فالله سبحانه وتعالى c'est الرزاق من أسمائه الرزاق وكذلك الرازق. Donc il a l'attribut de Ar-Razq, c'est lui qui donne. C'est lui qui donne la subsistance à chaque créature. Fala raziqa ghayru. Personne ne peut donner sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Qala alladhi yarzuqu makhluqatihi wa yaqum bima yuslihuhum fa huwa kathirur rizq. C'est pour ça que qawluhu 'azza wa jalla Ar-Razzaq c'est min al-fad ou min awzan al-mubalagha en langue arabe. Ay kathir al-rizq. Ay Allah subhanahu wa ta'ala il donne sans compter. Il possède tout, azza wa jal. Wasi'uhu fala ta'budu ghayra. Et ça c'est le fruit. C'est pour ça que dans ce verset min surat al-dhariyat, le verset précédent qala azza wa jal wa ma khalaqtu al-jinn wal-insa illa liya'budun at-tawhid. Thumma dans le verset suivant qala azza wa jal inna allaha huwa ar-razzaq. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a donné, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui donne à tout le monde la subsistance, elle est biyadillahi subhanahu. Fa vu que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous donne, hada ça doit impliquer qu'on doit l'adorer azza wa jal shukran wa mahabbatan wa ta'zima. Qala dhul quwwa أي صاحب القوة التامة الذي لا يعتريه ضعف. الله سبحانه وتعالى سر الرزاق وكذلك سر القوي من أسمائه عز وجل القوي parmi ses noms القوي أي لا صفة القوة. القوة يترجم par la force. فالله سبحانه وتعالى sa force elle est parfaite, il a aucune faiblesse, il a aucun manquement. سبحانه قال لا يعتريه ضعف. Contrairement à l'être humain, même si il a cette caractéristique de la force, لكن لا شك أن c'est une force qui est accompagnée de manquements, de faiblesses, d'imperfections. قال المتين أي البالغ في القوة والقدرة نهايتهما أي المتين أي البالغ في القوة والقدرة نهايتهما. المتين كذلك من اسماء الله سبحانه ça ressemble à اسم القوي. فالمتانة ça ressemble à القوة لكن المتانة c'est plus fort que القوة. قال فلا يلحقه في أفعاله مشقة ولا كلفة ولا تعب. نعم وما مسنا من لغوب أي من تعب. فالله سبحانه وتعالى tout ce qu'il fait, il a créé les cieux, la terre, il a créé toutes les créatures. سبحانه il gère tout, il sait tout. C'est lui qui donne, subhanah, et tout ça bien sûr sans aucune fatigue, sans aucune kulfa. Sans aucune kulfa, C'est pas comme l'être humain. Là. Certaines choses, ça peut être difficile. Tu peux sentir une charge. Amma Allah subhanahu wa ta'ala, il fait ce qu'il veut. Dhul quwwati al-matin. Fata'ammalu anna Allah azza wa jalla il a cité annahu c'est Razzaq. Annahu c'est lui qui donne la subsistance à tout le monde. Thumma qala azza wa jalla dhul quwwa al-matin. Et là, ça le fatigue en rien. C'est aucune charge pour Allah subhanahu wa ta'ala. Qala rahmatullah alayhi ou hafidahullah. والمتانة معناها الشدة والقوة. نعم، فالمتانة c'est plus fort que القوة. Donc المتين et القوي c'est deux noms qui se ressemblent, لكن المتين صفة المتانة c'est plus fort que القوة. قال الشاهد من الآية الكريمة أن فيها إثبات اسمه الرزاق ووصفه بالقوة التامة التي لا يعتريها ضعف ولا تعب سبحانه وتعالى. وفيها الاستدلال على وجوب عبادته وحده لا شريك له. نعم. Vu que Allah subhanahu wa ta'ala c'est le Razzaq, c'est le Qawi, c'est le Matin, c'est lui qui nous donne, c'est lui qui nous a guidés, c'est lui qui nous a créés, subhanah, ça implique qu'on doit être reconnaissant, qu'on doit l'adorer. On doit reconnaître annahu azza wa jal, c'est lui qui nous a donné tout ce qu'on a. Et ar-rizqu, et ça c'est un thème bien important, أنه إلى على نوعين وهذا تقدم معنا dans l'explication des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala أن الله عز وجل c'est الرزاق et الرزق et la subsistance que Allah subhanahu wa ta'ala il donne elle est de deux catégories رزق الأبدان ça c'est la première et la deuxième رزق القلوب وبعضهم يقولون الرزق العام والرزق الخاص الرزق العام c'est la subsistance qui est liée au corps et la nourriture etc. Ah là, c'est pour tout le monde. Le kafir, il mange. Le mu'min, il mange. Les animaux, ils mangent. Tout le monde profite de la pluie. De la pluie. Tout le monde profite de ce que Allah, subhanahu wa ta'ala, il a créé. Ah là, rizqun, hein. Rizqu al-khas, ay rizqu al-quloub, ay la subsistance des cœurs, c'est que pour les croyants. Fahmadillah, on doit être reconnaissant. Et ah là, c'est a'zamu al-arzaq. C'est la subsistance la plus importante. Et c'est cette subsistance qu'on doit multiplier nos efforts pour la rechercher. Enfin, comme les gens, ils sont motivés. Ils font des sacrifices pour acquérir la subsistance qui est liée au corps. Et ils sont insouciants. Ils ont complètement délaissé la subsistance du cœur. Et la foi, l'iman, l'ilm, l'nafi'. Et la science, le Coran, le Sunnah, la guider, etc. ثم قال رحمه الله وقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وقوله عز وجل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. Dans ces deux versets, Allah subhanahu wa ta'ala أخبر أنه سي البصير et كذلك السميع واخبر ان له سمعا وبصرا ان الله كان سميعا بصيرا. Cheikh al-Islam rahimahullah il a cité ces deux versets pour montrer ان الله سبحانه وتعالى il a l'attribut de السمع اي il entend ou al-basar et il voit et كذلك parmi ces noms السميع اي celui qui voit celui qui entend plutôt et al-basir celui qui voit. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى ليس كمثله شيء. أول الآية قوله تعالى فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا. نعم أي من سورة الشورى. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره أي ليس كخالق الأزواج كلها ليس كخالق الأزواج كلها شيء لأنه الفرد الصمد الذي لا نظير له. نعم السورة ستقدم معنا كثيرا. On a étudié dans plusieurs livres ensemble que ce verset, c'est une base dans la croyance de Ahl al-Sunnah. « أن الله عز وجل ليس كمثله شيء. » Il n'y a rien qui lui ressemble, subhanah. « قال, قال رحمه الله » أي كلام الكثير تقدم « ثم قال وهو السميع الذي يسمع جميع الأصوات » السميع أي c'est celui qui entend tout. Allah subhanahu wa ta'ala, il entend tout. Al-basir alladhi yara kulla shay wa la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wa la fis sama. Et al-basir, c'est celui qui voit tout. La yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama. Tout ce qui se passe dans les cieux et sur la terre, Allah subhanahu wa ta'ala, il le voit. Et il entend tous les sons, subhanahu. Al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah lahu kalamun jamil par rapport à ces deux attributs, an Allah azza wa jalla il entend et il voit. Qala rahimahullah kama fi kitabih Madarij as-Salikin yasma' ay Allah subhanahu wa ta'ala dhajij al-aswat bi ikhtilaf al-lughat ala tafannun al-hajat. Allah subhanahu wa ta'ala il entend tout. Fata'ammal akhi al-karim anna à cet instant que je parle, enfin des millions d'êtres humains y parlent, avec des langues différentes, à des moments différents, avec un ton différent. Bardoum il parle fort, Bardoum il parle à voix basse. Allah subhanahu wa ta'ala yasma' al-jami'a. Il entend tout le monde. Qala rahimahullah, fala yushghiluhu sam'un an sam'in. Contrairement à l'être humain. Et ça, c'est une différence azima. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala qal laysa kamithlihi shay, rien qui lui ressemble, wa athbata li nafsihi as-sam'a wal-basar, annahu yawwa et il entend. Alors que l'être humain kadhalik il voit et il entend. Lakin est-ce que tu vois tout? Tu peux pas tout voir. Bel ta vue elle est très très limitée. Est-ce que tu entends tout? Abadan. Bel si deux personnes en face de toi ils parlent en même temps, peut-être que tu auras du mal à écouter les deux. Si on rajoute une troisième, une quatrième, 10 personnes, 100 personnes, tu n'entendras plus rien. Tu entendras un bruit sans différencier. Amma Allah subhanahu wa ta'ala, il entend chacun. Il sait ce que chacun il dit. Il sait ce que chacun il pense. Subhanahu. Qala, toujours la parole de l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, wa la tughlituhu al-masail, sawa'un 'indahu man asarra al-qawl wa man jahara bih. عند الله c'est la même chose. السر والجار c'est pareil. سواء عنده من أسر القول, celui qui parle à voix basse, أو من ومن جهر به, celui qui parle à voix haute. فعند الله سواء, c'est la même chose. بل الله سبحانه وتعالى il sait ce que cet être humain il pense dans son cœur. قال فالسر عنده علانية والغيب عنده شهادة. السر عند الله علانية. Quelque chose de caché عند الله سبحانه وتعالى, c'est comme une chose apparente, il y a aucune différence. قال فالسر عنده علانية والغيب عنده شهادة. الغيب c'est l'invisible. عند الله سبحانه وتعالى فالحقيقة il n'y a pas d'invisible. L'invisible il le connaît. L'invisible pour nous c'est une chose qu'on ne connaît pas, qu'on ne voit pas, qu'on n'entend pas. Il a akhiré. فعند الله سبحانه وتعالى الغيب l'invisible c'est شهادة. الشهادة c'est quelque chose que tu vois, que tu entends. قال يرى أي الله سبحانه وتعالى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة المظلمة. الله سبحانه وتعالى يرى دبيب النملة أي les pas, les traces de pas de la fourmi noire sur une roche noire dans une nuit obscure. Allah subhanahu wa ta'ala, il voit ce petit insecte se déplacer. Azza wa jal. Intaha kalam Ibn al-Qayyim rahmatullah alayhi. Qala Sheikh al-Fawzan hafidhahullah ta'ala, qala al-Imam al-Shawkani fi tafsirihi rahimahullah, wa man fahima hadhihi al-ayati aw hadhihi al-ayata al-karimata haqqa fahmiha wa tadabbaraha haqqa tadabburiha مشى بها عند اختلاف المختلفين في الصفات على جادة بيضاء واضحة ويزداد بصيرة إذا تأمل معنى قوله وهو السميع البصير. تقدم معنا أن ce verset c'est un fondement, c'est une base, c'est une règle عند أهل السنة pour comprendre ce sujet essentiel, les noms d'Allah سبحانه وتعالى et ses attributs. ليس كمثله شيء. فالله سبحانه وتعالى نزه نفسه عن المثيل عن الند عن الشريك. rien ne lui ressemble, il n'a pas d'associé. سبحانه وهو السميع البصير أثبت لنفسه أسماء وصفات. donc المؤمن il est entre هذا التنزيه هذا الإثبات sans exagérer. تنزيه بلا تعطيل وإثبات بلا تمثيل. قال رحمه الله فإن هذا الإثبات بعد ذلك النفي للمماثل قد اشتمل على برد اليقين وشفاء الصدور وانثلاج القلوب. تقدم معنا أن هذا النفي أي قوله ليس كمثله شيء Thumma ya ithbat, juste après. An-nafi, c'est une négation. Al-ithbat, c'est une affirmation. Wa huwa as-sami' al-basir. Hada fil haqiqa, c'est at-tawhid. C'est l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Annahu, il est unique dans ses noms et ses attributs. Donc, il a bien des noms et des attributs. La preuve, c'est qawluhu azza wa jal wa huwa as-sami' al-basir. Et kadhalik, on fait attention de ne pas croire que ses noms et ses attributs, ils sont identiques aux attributs des êtres humains. Enfin, Allah subhanahu wa ta'ala, il voit, et l'être humain, il voit, et les animaux, ils voient. Est-ce que c'est la même vue? Abadan. Les êtres humains, entre eux, ils n'ont pas la même vue. Certains animaux, ils ont une vue très, très, très, très forte par rapport à l'être humain. Hada tafawud fil makhluq. Les créatures, ils sont différents dans cet attribut. Allah subhanahu wa ta'ala, lahu al-mathal al-a'la, wa laysa kamithlihi shay. Qala, فقدر يا طالب الحق قدر هذه الحجة النيرة والبرهان القوي فإنك تحطم بها كثيرا من البدع. Celui qui a compris ce verset avec la compréhension des salafs, fa al-haqiqa, il va comprendre l'égarement de deux extrêmes. Le premier extrême est le mumathila, ceux qui pensent que Allah il ressemble à la créature. Tu pourras répondre avec ce verset laysa kamithlihi shay. Donc là, chaque que c'est de l'égarement de penser qu'Allah il ressemble aux créatures. Kadhalik, tu pourras répondre et comprendre l'égarement d'un autre extrême, al-mu'attila. Ceux qui disent que Allah il a pas d'attributs ou qui déforment les attributs. Allah subhanahu wa ta'ala قال wa huwa as-sami' al-basir. Il nous a informé annahu as-sami' al-basir. Il nous a informé avec une langue arabe claire. Et les compagnons radiyallahu anhum, ils ont accepté ces versets. Ils ne les ont pas déformés. Ils n'ont pas cherché le comment. Nous, en tant que mu'minoun, en tant que ahl sunnah, on croit que Allah subhanahu wa ta'ala, il a ses attributs. Le comment, on l'ignore. On est sûr et certain que Allah, il ressemble pas aux créatures. Et alhamdulillah, et on se soumet. Qala, rahimahullah. Qala, fa innaka tuhattim biha kathiran min al-bida' wa tahshumu biha ru'usan min al-dhalalah. أو كأنه تهشم بها رؤوسا من الضلالة وترغم بها أنوف طوائف من المتكلمين لا سيما إذا ضممت إليه قوله عز وجل أو قول الله تعالى ولا يحيطون به علما. Si tu rajoutes ce verset ولا يحيطون به علما avec l'autre verset, فستستفيد كثيرا. أي on n'a pas connaissance du comment. Al-kayfiyya la na'lamuha. Allah subhanahu wa ta'ala nous a informé annahu il a des attributs. Et là, chacun a ses attributs, on connaît le sens. Limadha li anna Allah subhanahu wa ta'ala nous a informé qu'il a tel attribut avec une langue arabe claire. Qur'anan arabiyyan. Wa la yuhituna bihi ilma. Amma al-ihata wa ilmu al-kayfiyya. Hada on n'a pas d'ilm. Donc on s'arrête. Donc ces deux versets, fil haqiqa, tu vas rejeter beaucoup d'égarements. Si tu as compris ces deux versets, tu vas rejeter l'égarement de al-mumathila et al-mu'attila. Et kadhalik, tu vas rejeter l'égarement de ceux qui font du takif. Wa hakadha al-muharrifa. Et on les a pas cités au départ, les madhali, annahum, ils font partie de al-mu'attila. Cheikh Salih al-Sheikh, hafidahullahu ta'ala, il a cité une faïda jamila dans son sharh. Et on conseille nos frères de profiter de ce sharh al-wasitiyya de Cheikh Salih al-Sheikh. Wa hakada son sharh al-tahawiyya, c'est des explications très très bénéfiques. Qala wa qad sabaqa bayan anna sifat as-sam' wal-basar min as-sifat allati tashtarik fiha akthar al-makhluqat al-hayya dhat ar-ruh. Wa huna ila nabah anna si tu réfléchis et tu médites في قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فالله سبحانه وتعالى il a cité deux attributs السمع والبصر اي لوي et la vue. Cheikh Salih هنا ينبه ان la plupart des créatures vivantes qui ont une âme comme les êtres humains, les animaux, ils ont ces deux attributs السمع والبصر اي ils voient et ils entendent. فقال رحمه الله فالنملة عندها سمع وبصر والإنسان له سمع وله بصر إلى آخره. La plupart des animaux, ils ont l'ouïe et la vue. L'être humain, il entend et il voit. قال لكن الإنسان يعلم أن السمع هو بصره مع ثبوته ليس كالسمع وبصر البعوضة والنملة. لكن on sait que la vue et l'ouïe de l'être humain, c'est pas comme la vue et l'ouïe d'une mouche ou d'un insecte. Il y a une énorme différence. وهكذا avec d'autres animaux. قال فإذا كان كذلك دل على أن إثبات السمع والبصر في المخلوقات هو إثبات وجود ولا إثبات مساواة. Et ça c'est très très important pour comprendre ce chapitre. أن l'être humain il entend, il voit. Beaucoup d'animaux ils entendent, ils voient. Est-ce que c'est le même attribut là? من حيث الوجود نعم. أي l'être humain il entend et tel animal il entend. أما est-ce que c'est la même chose là? قال رحمه الله فإذا إثبات هاتين الصفتين لله عز وجل نختصر قال يدل على أن هذا ليس من جهة التمثيل في شيء. Donc le fait que Allah سبحانه وتعالى قال وهو السميع البصير, est-ce que ça veut dire c'est comme la vue et l'ouïe de l'être humain? أبدا لا, بل هذا c'est un دليل qu'Allah سبحانه وتعالى il a ces deux attributs et l'être humain il a ces deux attributs. لكن سمع الله وبصر الله يليق بالله عز وجل. أي الله سبحانه وتعالى il a ces deux attributs, ces attributs sont parfaits. لماذا؟ لأن الله il est parfait. L'être humain il a ces deux attributs, لكن c'est des attributs avec des manquements, des faiblesses. Là chacun a l'insan une certaine distance, il ne peut pas voir. Si l'insan il baisse trop la voix, il ne peut pas l'entendre. وهكذا قال رحمه الله يدل على أن هذا ليس من جهة التمثيل في شيء, وفيه أعظم رد على الذين توهموا أن إثبات الصفات فيه تمثيل والتجسيم. Et ça c'est une réfutation pour ceux qui disent, si tu dis qu'Allah subhanahu wa ta'ala il voit, il entend, il a un visage, il a des mains, il a des doigts, il a un khiri, tu l'as fait ressembler à la créature. Ça c'est من أبطل الباطل. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى nous a informé qu'il a ses attributs. Et كذلك il nous a informé, تأمل, dans ce même verset, il nous a informé أنه il ne ressemble pas aux créatures. Pourquoi penser que le fait d'accepter les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, forcément ça implique de faire ressembler Allah subhanahu wa ta'ala à cette créature? Hada c'est min abtal al batil, et c'est l'ambiguïté que tous ceux qui se sont égarés fi hada al bab ils ont eu au départ. Hatta al mu'attil au départ comme taqaddam ma'ana il a fait du tamthil, il a pensé qu'Allah subhanahu wa ta'ala si on dit qu'il a tel attribut c'est une ressemblance aux créatures. Et ils ont pensé que pour ne pas tomber dans cet égarement du tamthil, il faut les rejeter l'attribut. Et ils se sont égarés. Amma sahib al-haq, il accepte les attributs et il rejette l'égarement. Et en Allah subhanahu wa ta'ala, il ne ressemble pas aux créatures. Wa hada, wa lillahi al-hamd, on l'a détaillé kathiran, khasatan, dans l'explication de al-qawa'id al-mutla. Fa hada ma yata'allaq bi sifatay al-sam' wal-basar. فالله سبحانه وتعالى il entend et il voit. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Et dans notre explication de l'explication des noms d'Allah, des noms d'Allah سبحانه وتعالى, on avait lu ensemble des paroles de savants sur الفائدة المسلكية والثمرة الإيمانية de croire en ces deux noms. المؤمن il a la conviction en Allah subhanahu wa ta'ala, il le voit, il l'entend. La shak annahu, il fera attention à ce qu'il dit, à ce qu'il fait. Il fera attention de ne pas désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Limadha li anna Allah subhanahu wa ta'ala, il le voit et il l'entend. Il fera attention kadhalik de faire les obligations. Ba'd an-nas si ils sont en public, la shak annahum il change de comportement. Limadha li anna un tel il les regarde ou un tel il les entend, enfin il ne peut pas se permettre de faire certaines choses, de dire certaines choses. Al mu'min walillahi alhamd, il a cette conviction en Allah subhanahu wa ta'ala, il le voit et il l'entend. Lakin ahyana le mu'min il tombe fi al ghafla, il tombe dans l'insouciance et il oublie hada, et il oublie et il fait certaines choses wala yatadhakkar. Falihada العلامة الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى إلى دمتخن أكبر زاجر وأعظم واعظ كما تقدم معنا سي هذا أي la chose la plus bénéfique pour le mu'min, le rappel le plus bénéfique pour lui c'est de se rappeler دائما أن الله عز وجل il le voit, il l'entend et il connaît sa situation. فنسأل الله سبحانه وتعالى من فضله. ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وقوله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وقوله ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وقوله تعالى وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. Dans ces trois versets, ou Cheikh l'Islam plutôt, il a cité ces trois versets, na'am, pour démontrer en Allah Azza wa Jal, il a l'attribut de Al-Mashi'a wal-Irada, et la volonté. Allah subhanahu wa ta'ala, il a هذه الصفة المشيئة كذلك الإرادة. وسيأتي معنا إن شاء الله dans le prochain درس la différence entre المشيئة والإرادة. قال حفظه الله تعالى قوله ولولا إذ دخلت جنتك أي هل إذ دخلت بستانك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله أي إن شاء الله أبقاها وإن شاء أفناها اعترافا بالعجز وأن القدرة لله سبحانه. ففي سورة الكهف الله سبحانه وتعالى إلى سيتي ليستوار دو سيت هوم كي افي هذا البستان العظيم إلى افي ان جاردان ايمونس افيك بوكو دار بوكو دو فروي إلى آخره واغتر بهذا المال عيادا بالله إلى بونسي كو توت سي شوز سا فوني دو لوي إلى أوبليي عياذا بالله. Il s'est écarté plutôt de الشكر et de dire ما شاء الله. ولو إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هذا كما قال الشيخ البوزان حفظه الله c'est من باب الاعتراف بالعجز. Et ça, ça nous montre أن الإنسان إذا أكرمه الله سبحانه وتعالى بمال أو بولد أو بنعمة que ce soit du علم ou autre دائما يتذكر أن هذا سبي مشيئة الله وقوة الله عز وجل. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. C'est pour ça que le mu'min il répète souvent أي المؤمن الذي وفقه الله سبحانه وتعالى qui connaît le sens de ces أذكار il répète souvent هذا الذكر العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله. أي tout ce qui se passe سبي قوة الله عز وجل ومشيئته. أما نحن on est des ضعفاء. Maintenant, ce jardin, avec tous ses fruits et tous ses arbres, qu'est-ce qu'il a fait cet être humain pour l'avoir? Il a fait certaines causes, فقط, il a arrosé, Obama, il a surveillé, ou illa, un ni'ma, ou le fond, c'est min Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui lui a donné ça. Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé le jardin et le propriétaire. Lakin, ba'dan nas, iyadan billah, quand ils s'enrichissent, ils s'enorgueillissent en même temps. قال شيخ الفوزان حفظه الله تعالى وأن القدرة لله سبحانه. قال بعض السلف من أعجبه شيء فليقل ما شاء الله لا قوة إلا بالله. نعم والدليل سلو فيغسي ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فلهذا الإنسان إذا أعجبه شيئا c'est une chose elle te plaît et tu es impressionné émerveillé par une chose n'oublie pas الذكر. Pour plusieurs raisons. Khazadan, si Al-Mal t'appartient, hatta l'orgueil ne rentre pas dans ton cœur. Et tu oublies Al-Mun'im, Subhana, celui qui t'a donné. Kadalik, pour ne pas atteindre cette chose du mauvais œil. Al-Insan, il dit, Masha'Allah, la quwata illa billah. Ou il dit, Allahumma barak. Al-Muhim, yadhkur Allah, Subhanahu wa ta'ala. Qala wa qawluhu, wa law sha'Allahu maqtatalu. ولكن الله يفعل ما يريد. سورس كذلك فيه إثبات صفة الإرادة. قوله ما يريد. كذلك صفة المشيئة. ولو شاء الله. فالله سبحانه وتعالى tout ce qu'il se passe في هذا الكون c'est بإرادة الله سبحانه وتعالى ومشيئته. C'est Allah سبحانه وتعالى qui a voulu, qui a décidé, qui a décrété que telle chose elle se passe. لماذا؟ لأن الله عز وجل c'est le malik. C'est lui qui possède tout. C'est الرب سبحانه وتعالى. C'est lui qui gère tout. فلا شك أن tout ce qui se passe c'est بإرادته. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى سيت تو ويكونيت تو. أما ليتر هومان بسبب ضعفه وعجزه, ليتر هومان à cause de ses faiblesses, à cause de son ignorance, à cause de son incapacité, ربما une chose elle se passe chez toi وأنت لا تدري, et tu ne sais pas. Et أحيانا une chose elle peut se passer chez toi et tu le sais, tu ne peux pas la repousser. أما الله سبحانه وتعالى tout ce qui se passe في ملكه dans son royaume عز وجل, et Allah c'est le ملك, c'est lui qui a créé cette chose, c'est lui qui a voulu cette chose, et bien sûr tout ça s'est fondé sur la sagesse, sur al-hikma. Qala hafidhahu Allah ta'ala wa law sha'a subhanahu 'adam iqtitalihim lam yaqtatilu, ay law sha'a Allah subhanahu 'adam iqtitalihim lam yaqtatilu. Ça nous montre que tout ce qui se passe c'est bi mashi'ati Allah. قال عز وجل ولو شاء الله ما اقتتلوا, اي سي الله سبحانه وتعالى لو aurait voulu, فسي دو جروب ils ne se seraient pas entretués. Ça nous montre que tout ce qui se passe c'est بمشيئه الله عز وجل, اي c'est par la volonté d'Allah سبحانه. قال لانه لا يجري في ملكه الا ما يريد لا راد لحكمه ولا مبدل لقضائه. نعم لا يجري في ملكه الا ما يريد, هذا الذي تذكرنا, اي tout ce qui se passe dans le royaume d'Allah subhanahu wa ta'ala c'est par sa volonté. لماذا؟ لان rien ne peut se passer dans son royaume sans sa volonté. لا راد لحكمه ولا مبدل لقضائه, اي tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala il a décrété subhanahu, il a voulu, personne ne peut le repousser. لكن pour bien comprendre هذا الباب il faut comprendre ان Allah subhanahu wa ta'ala il a tout voulu, قد يقول قائل même les mauvaises choses. Il faut bien comprendre la différence entre l'irada ou le mashi'a. Et là, aujourd'hui, on n'aura pas le temps de citer l'irada, mais dans le prochain dars, on lira. Kalam, Cheikh al-Fawzan, Hafidhahullah Ta'ala, pour bien différencier entre l'iradatayn. Les Allah subhanahu wa ta'ala, il veut et il a décrété, maintenant, que les croyants lui obéissent, les bonnes choses, il a akhiré. Ça, il n'y a aucun problème. عند عامة الناس يكمن هذا, لكن الإشكال بعض الناس يسأل هذا السؤال, mais pourquoi الله سبحانه وتعالى il a voulu maintenant que les gens ils s'entretuent, les famines, les guerres, il a arrêté. Pour comprendre هذا il faut comprendre la différence entre les deux volontés. Et الله سبحانه وتعالى il peut vouloir une chose, pour nous c'est mauvais, et في الحقيقة cette chose il y a un bien. Pourquoi? لأن الله سبحانه وتعالى c'est le حكيم, il a l'attribut de la حكمة, la sagesse. Chaque chose c'est pour une maslaha azima. Lakin ahyanan à cause de notre faiblesse, à cause de notre précipitation, on peut ignorer ou ne pas méditer sur certaines choses. Et hada inshallah on l'expliquera dans le prochain dars. Qal wa qawluhu ta'ala uhillat lakum ay ubihat wal khitab lil mu'minin bahimat al an'am ay al ibl wal baqar wal ghanam ila akhirih. الشاهد من الآية سقوله عز وجل إن الله يحكم ما يريد, أي من التحليل والتحريم لا اعتراض عليه, أي الله سبحانه وتعالى يحكم ما يريد. مثلا il nous a autorisé de manger telle viande, il nous a interdit de manger telle viande. مثلا il nous a ordonné de refaire les ablutions si on mange de la viande de chameau, et pour la viande de vache, de mouton, de ou autre, que ce soit la volaille, les bovins, les ovins, on n'a pas besoin de refaire les ablutions. Allah subhanahu wa ta'ala, il a décrété que pour le chameau, on doit refaire l'eau. Allah subhanahu wa ta'ala, yahkum ma yurid. Et via hadha al-hal, on doit se soumettre. Si on connaît le pourquoi, la sagesse, alhamdulillah, sans s'imposer. Bah, les gens, ils essayent de trouver des sagesses, et fait al-haqiqa, il n'y a aucune preuve. Takalluf, et c'est une perte de temps. Si on connaît la sagesse, c'est bien. Si on ne connaît pas la sagesse, on se soumet. Et on profite de ce que Allah subhanahu wa ta'ala il nous a rendu halal et on s'écarte des interdits. قال الشاهد من الآيات أن فيها إثبات المشيئة والقوة والحكم والإرادة صفات لله تعالى على ما يليق بجلاله. أي نعم, tous ces versets Cheikh l'Islam rahimahullah il les a cités pour démontrer, pour montrer أن الله subhanahu wa ta'ala il a ses attributs. Et le prochain dars Inch'Allah ta'ala, on continuera la lecture de hadha.